Document 9. Le président de la République. Qu'est-ce que vous aimeriez que le président de la République fasse? C'est la question que des instituteurs ont posée à leurs élèves. Nous avons fait une sélection de leurs réponses. Damien, 8 ans. Je voudrais qu'il fabrique plus de billets pour que les gens soient plus riches. Mélissa, 10 ans. Je voudrais qu'on interdise de tuer les animaux, car on peut se nourrir sans manger de viande. Tom, 8 ans. J'aimerais qu'on construise des caravanes pour les sans-abri et que tous les enfants aient de l'eau, des habits et des choses à manger. Nathan, 8 ans. Il faudrait que les gens soient au chômage quand ils veulent. Jules, 7 ans. Il faudrait qu'on remplace les armes des soldats par des pistolets à eau. Chloé, 9 ans. J'aimerais qu'on aille à l'école seulement le matin et que le ministre vienne manger dans les cantines scolaires. Marianne, 7 ans. Il faudrait qu'on interdise les sports dangereux comme l'escalade sur un glacier géant avec un trou. Émilie, 9 ans. Je voudrais qu'on mette les usines sous terre et qu'on fasse des voitures solaires. André, 10 ans. Je souhaite que tous les présidents se mettent d'accord et qu'ils fassent un traité continental ou mondial contre la guerre. Alexis, 9 ans. Je voudrais que le président fasse des discours que les adultes et les enfants comprennent. Claire, 10 ans. Je voudrais qu'on réduise le salaire des mannequins et des footballeurs. Julie, 6 ans. Je voudrais que le président pense comme une maman ou un papa à tout le monde dans la France.